Yo, t'as un mic 9-4-9-3-9-3-9-4, ok. Le fils du chétan nous pousse tous à l'excès. C'est dans l'adversité que le vice s'accélère. On galère pour aller prier, mais pour gratter un billet on prie, mais y'a toujours un prix à payer. Je dépends pas du port, mais de la volonté de Dieu. Mon cœur guide mon corps, Inch'Allah que j'vive mieux. J'vive vieux, y'a pas de fumée sans feu. Les quartiers de France brûlent, les politiques nous ont enfumés. Et si j'ai tant fumé dans ma jeunesse, c'est pour oublier une vie de stress qui encore aujourd'hui me pèse. Trop de questions je me pose, les réponses viennent au fur et à mesure que j'pose. J'pense qu'on a tous du mal à se faire aider. Autant de fierté que de PD dans le quartier, poteau. T'as même pas idée. L'idéal ce serait qu'on s'entende tous, mais vu qu'on s'entend pas, c'est sur la violence qu'on se concentre tous. Aveuglé par la haine, mon rap parle aux hommes, pas aux autres qui te jalousent pour une perte de TN. N'est pas la haine, Ray, si je m'en sors, on voit que j'envoie l'ascenseur. Mon style frappe fort comme Ben Spencer. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain, on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le calibre reste à portée de main. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain, on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le calibre reste à portée de main. Reste à portée de main. C'est pas par la fenêtre qu'on mate les faits divers. Écoute, les faits sont commis d'été en hiver. Son âme nous l'a pas offert. C'est pour ceux qui servent, pas ceux qui servent à rien. Un chaise comme une caisse qui sert. Sers-moi la pointe si mon rap répond à l'appel. On fait nos pailles et nos jazz. Et Inch'Allah que ça paye, Inch'Allah que ça pète. Même si c'est pas net dans nos têtes, la thérapie de groupe se trouve dans nos textes. Ça rêve de Q7 ou de Lexus. D'avoir la force de casser éclairé pour te frapper au plexus. Mon amour pour le rap m'aide à combattre mes démons. Bébé me demande pas de t'aimer plus que je t'aime. Bref, ça c'est pas le thème, ça c'est de la saleté. Ça c'est un rap de soldat, quand y'a de rap faut pas calter. Alors écartez-vous, toujours au garde à vous. Car pour rien poteau tu peux finir en garde à vue. Tu regardes ce que t'as vu, et t'as vu ce que tu vois. Et tu vois que mon rap décrit la merde qu'on vit de vive voix. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le lit le calibre reste à portée. Reste à portée de main, reste à portée de main, reste à portée de main, reste à portée de main. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le lit le calibre reste à portée de main. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le lit le calibre reste à portée de main. Portée de main, portée de main. Ok. Yeah. Dawa au mic, poto. On fait les bails, on fait les jazz. Et les faux, on les pèse. 9-4, 9-3, 9-3, 9-4, ok. Dawa au mic, on tient le place dans le cœur. J'suis là que pour la gagne. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le lit le calibre reste à portée de main. Alors je regarde avec qui je marche, avec qui je traîne, avec qui je pèse, avec qui je jazz. Nous sur le terrain on est des mecs qui jazz. Même avec la main sur le cœur, sous le lit le calibre reste à portée de main. Portée de main, portée de main, portée de main.